comprendre les instructions d'un professionnel de la santé. Exercice 3. Alors, voilà. Le Polydrane 500, c'est pour les maux de tête et la fièvre. Vous prendrez maximum 2 cachets par jour pendant 4 jours. Pour calmer la toux, le sirop Eucalyptus. 1 cuillère à soupe, 3 fois par jour, pendant 4 jours également. Le Fervox, c'est pour décongestionner le nez, sous forme de sachet à diluer dans un verre d'eau 2 fois par jour pendant une semaine. Respectez bien les doses. Suivez bien le traitement jusqu'au bout, même si ça va mieux, et buvez beaucoup d'eau.